Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Miva montre à vous des objets et on va faire ce que midi. Miva montre à vous des objets et on va faire ce que midi. Prenez. Prends. Prends. Donnez-moi les lunettes. Donne-moi les lunettes. Donne-moi les lunettes. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Retourne le verre, puis prends les ciseaux. Retourne le verre, puis prends les ciseaux.